Vous êtes sur 106.6, il est 19h, autant dire que vous écoutez Radio Campus et que c'est l'heure de Soigne à ta gauche avec son volet du troisième jeudi du mois, Angle d'attaque. Cette émission a été enregistrée le 15 novembre. Un beau programme aujourd'hui sur 106.6. C'est vrai que l'actualité politique et intermondialiste est particulièrement copieuse. Notre invité n'est autre que Jean Gadret. Je ne sais s'il faut présenter Jean Gadret, qui est un économiste bien connu dans le Nord-Pas-de-Calais et ailleurs. Jean est président d'Attaque Villeneuve-d'Ascq, ça c'est déjà peut-être moins connu. C'est un économiste qui va nous parler de son cheval de bataille et nous convaincre que la solution à la crise, ce n'est pas forcément la croissance. Et surtout que c'est autre chose que ce que nous proposent les G20, les FMI, la Banque Centrale Européenne et le tandem Sarkozy-Merkel et surtout François Fillon avec son magnifique plan de rigueur qui vient de nous tomber dessus. René va nous dire qu'il était avec Germain à Nice pendant le G20 qui se passait à Cannes, avec plein de militants, Attaque en tête du cortège d'ailleurs. Ce sera la deuxième partie. Et Attaque n'a pas chômé non plus pendant ce temps-là, puisqu'il a produit son enquête conjointe avec les Amis de la Terre sur l'audit des banques. Rappelez-vous, René en a parlé la dernière fois. C'est copieux, on en reparle, promis, la prochaine fois en décembre. La troisième partie sera, comme d'habitude, consacrée au conseil de lecture. Et enfin, Antoine nous parlera de rendez-vous à ne pas manquer pendant les 4 semaines qui viennent. Jean Gadret, c'est à vous. Le vouvoiement va peut-être te surprendre, Jean, mais nous avons convenu dès la première émission que nos invités seraient vouvoyés. Jean Gadret, vous allez nous dire que la croissance n'est pas la solution à la crise, mais qu'il y a des solutions. Alors oui, mais avant d'en arriver aux solutions, il faut s'entendre sur le diagnostic. Et donc il faut essayer de comprendre comment on peut expliquer le gonflement excessif des dettes publiques en Europe, en France, et plus encore en Grèce et dans la plupart des pays. La principale réponse qui nous est apportée et qui sert de justification au plan de rigueur, c'est l'excès de dépenses publiques. Autrement dit, nous serions endettés parce que, un peu comme un ménage imprévoyant, nous aurions beaucoup trop dépensé par rapport à nos ressources, à notre revenu. Eh bien, il faut tordre le cou à cette idée. Cette explication est un mensonge destiné à faire passer l'austérité. Il y a 2 explications de la crise. Et elles se rejoignent. La première explication de la montée des dettes publiques ne se trouve pas dans les dépenses publiques, comme je viens de le dire, mais dans le fait que l'État, c'est-à-dire les gouvernements néolibéraux, se sont délibérément privés de recettes depuis 10 à 20 ans. Selon des modalités qui font qu'aujourd'hui, la perte de recettes publiques, en 10 ans, nos amis d'Alternatives économiques ont fait le calcul, en 10 ans, les cadeaux fiscaux qui ont été décidés représentent une perte annuelle de ressources publiques de 82 milliards d'euros par an, c'est-à-dire 4% du produit intérieur brut. Or, cette perte de recettes publiques s'est faite pour l'essentiel au bénéfice des plus riches, les 10% les plus riches, et même on pourrait dire largement les 1% les plus riches. On a assisté à une politique délibérée de creusement des inégalités qui est la cause première du creusement des dettes publiques. Pour quelles raisons les États se seraient privés de recettes publiques? Parce que le néolibéralisme fonctionne sur la base d'idées reçues, qui sont des idées de classe, selon lesquelles il faut moins d'État. Et pour qu'il y ait moins d'État, il faut en quelque sorte utiliser une politique où on serre la ceinture aux différents ministères, à l'exception des forces de police éventuellement ou de l'armée, enfin, c'est-à-dire des forces de répression, de l'État gendarme, et où on serre les boulons, on serre la vis à tout ce qui correspond, de notre point de vue, à la production de bien-être, l'éducation, la santé, les services sociaux, etc. Donc, depuis la révolution néoconservatrice aux États-Unis, depuis les années 80, les États néolibéraux et les gouvernements néolibéraux n'ont eu de cesse de réduire la part de l'État dans la production de services publics d'intérêt général. C'était une politique de classe, parce qu'en réalité, ceux qui profitent de ces baisses d'impôts, de ces baisses de cotisations sociales sont les plus riches, sont les grandes entreprises, sont les actionnaires, ce sont eux qui perçoivent le pactole, la montée explosive des dividendes en est l'un des indices, et des revenus des très riches. Deuxième explication de cette dette excessive, elle est connue maintenant, mais pas assez, la décision qui a été prise en France dès 1973, en Europe dès le traité de Maastricht en 1992, et puis tous les traités ultérieurs l'ont confirmé, de refuser que les États endettés puissent emprunter directement auprès de leur banque centrale, et ensuite auprès de la Banque centrale européenne, et soient obligés, par conséquent, de souscrire des emprunts auprès des marchés financiers. Les marchés financiers, on utilise ce terme, mais ça veut dire en fait les gros spéculateurs du monde entier et les banques qu'ils contrôlent. À des taux d'intérêt tout à fait considérable, en tout cas bien supérieur à ceux que l'on obtenait auprès d'une banque centrale, qui pouvait être pratiquement nul ou proche de zéro, ce qui conduit les États à rembourser des montants d'intérêt, ce qu'on appelle la charge de service de la dette, croissant, qui s'accumule année après année et font boule de neige, conduisant ainsi à des dettes considérables. On a pu faire le calcul. Aucun État européen aujourd'hui n'aurait de dette insupportable s'ils avaient pu tous emprunter à des taux proches de zéro à leur banque centrale ou à la BCE. Donc on a là un choix, même la Grèce, oui. Et c'est également il s'agit également d'un choix de classe. Oui, il s'agit d'un choix de classe qui nous a été vendu en nous disant que c'était bon pour la lutte contre l'inflation, parce que la planche à billets, c'est-à-dire le fait que les États puissent demander à leur banque centrale d'émettre de l'argent, était considéré comme inflationniste. Mais cet argument est parfaitement faux, dans la mesure où, à partir du moment où ce sont les banques privées qui émettent de la monnaie, et avec des taux d'intérêt considérables, la planche à billets devient une planche à billets privée, incontrôlable, à l'origine d'une bonne partie des excès spéculatifs et des bulles spéculatives. C'était un choix de classe, il s'agissait, au fond, de répondre au lobbying de banques qui se disaient « Mais pourquoi ce segment très profitable pour nous, à savoir les dettes publiques, nous échappe-t-il » Il n'y a pas de raison. Quand on adore les privatisations, il n'y a pas de raison que les banques ne profitent pas du remboursement des intérêts par les pouvoirs publics. Voilà, donc ce sont les deux explications les plus importantes sans doute. Mais à gauche, on en oublie une troisième, et c'est là peut-être que vous allez voir justifier le titre de cette émission. La croissance n'est pas la solution à la crise, mais il y a des solutions. On oublie que la croissance, le culte de la croissance pour la croissance, avec ses ingrédients, le productivisme, le consumérisme, le crédit à tout bout de champ, inciter les ménages à consommer, inciter les États à vivre à crédit, eux aussi, c'est le plus souvent au nom de la croissance que l'endettement, qu'il s'agisse de l'endettement public ou de l'endettement privé, a été justifié, ainsi que les réductions d'impôts. On nous a dit, les réductions d'impôts, c'est formidable. Ça va relancer la croissance parce que ça va booster la consommation. En réalité, ça n'a pas été le cas, parce que ces réductions d'impôts ont profité aux 10% les plus riches, et pour l'essentiel aux 1% les plus riches, et que ces gens-là ne consomment pas leur revenu extra ainsi obtenu, ils l'épargnent. Ils le placent même le plus souvent dans des activités hautement spéculatives. Donc ça n'a pas relancé la croissance, en revanche ça a privé l'État de ressources clés et ça a renforcé, augmenté la dette. Donc la croissance est une drogue qui ne fait pas que des ravages écologiques, ça on le sait, qui ne fait pas que des ravages sociaux, on n'a qu'à consulter les statistiques du surendettement des ménages, elle fait aussi des ravages en termes de contribution à un endettement public excessif. Et donc il faut aussi remettre en question ce culte. Voilà, alors actuellement ATTAC est engagé dans une campagne avec beaucoup d'autres associations à partir de l'idée que une bonne partie des dettes publiques des États européens sont illégitimes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça vient de loin. Ça vient de mouvements qui se sont battus pour l'annulation de la dette du tiers-monde, qu'ils qualifiaient aussi d'illégitimes et parfois même de odieuses quand il s'agissait de dettes contractées par des dictatures militaires, par exemple, sans que les peuples aient la moindre responsabilité, mais c'était les peuples ensuite qui devaient payer. Eh bien, on retrouve cette idée avec une partie des dettes des États européens, par exemple la Grèce aujourd'hui, parce qu'elle vient de loin, la dette de la Grèce. Elle vient du pouvoir des militaires, elle vient de l'organisation des Jeux Olympiques d'Athènes, elle vient du degré extrêmement élevé de militarisation de l'économie grecque, de la fraude fiscale, etc., auxquels se sont ajoutés ensuite les deux facteurs que j'ai indiqués, à savoir le rôle des marchés, c'est-à-dire l'interdiction faite à l'État grec d'emprunter auprès de sa banque centrale, et la réduction des dépenses publiques selon des politiques de classe. Donc, nous sommes convaincus, et de plus en plus de gens d'ailleurs sont convaincus, que une partie de ces dettes ont été contractées par des États à l'écart des citoyens, en dehors de toute consultation démocratique. Je donnerai des exemples ensuite. Mais comment déterminer cette part de la dette qui est illégitime? C'est quand même une question délicate. On peut pas dire aujourd'hui, ben voilà, 50% de la dette grecque est illégitime, ou 70%, et en France, ça pourrait être 30%. Bon, je n'en sais strictement rien. En revanche, on a besoin d'une évaluation qui ne soit pas faite par les experts habituels, les économistes, les experts des finances. On a besoin d'audits citoyens des dettes publiques, parce que les citoyens sont les mieux placés pour qualifier tel ou tel type de dépenses publiques et dire celle-là, oui, il était légitime d'emprunter pour investir dans l'avenir, le nôtre, et tel autre, il n'était pas nécessairement légitime d'armer les troupes françaises pour aller en Afghanistan, ou de construire tel ou tel type de PR, ou dépenser de l'argent public pour un certain nombre d'infrastructures de prestige. Et je ne parle pas des dépenses de la présidence de la République qui sont symboliquement scandaleuses, mais n'entrent pas en ligne de compte sur le plan quantitatif de façon notable. Donc, il nous faut des assises citoyennes, y compris parce que, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, la dette est un truc fait pour que les riches deviennent plus riches. La dette est un dispositif qui a été mis en place pour que les riches deviennent plus riches, selon une séquence très facile à comprendre. 1. Les gouvernements libéraux, je l'ai indiqué, renoncent à prélever des impôts en quantité suffisante pour couvrir leurs dépenses, moins d'État, moins de recettes, cadeaux fiscaux, etc. Et ça, ça bénéficie aux plus riches. 2. Mais du coup, on se retrouve endetté. Et à qui va-t-on emprunter quand on est un État endetté? Puisqu'on peut plus emprunter à sa banque centrale, on l'a décidé aussi. On va emprunter au marché financier, c'est-à-dire aux grands spéculateurs, c'est-à-dire aux plus riches. Ces plus riches vont percevoir le service des intérêts de cette dette. Ils sont donc doublement gagnants. On réduit leurs impôts, ils deviennent plus riches, ils deviennent en situation de prêter à des États endettés, et ils deviennent encore plus riches grâce aux intérêts des emprunts. On est donc dans un système que certains appellent de double dividende, avec, pour couronner le tout, ces investisseurs de plus en plus puissants, qui, avec l'aide d'agences de notation qui sont leur création, mettent maintenant et depuis quelques mois toute une série d'États en situation de devoir prendre sous la contrainte des mesures d'austérité, des réformes de retraite régressives, des privatisations, l'austérité pour les peuples, comme ils l'ont fait pour les pays du sud de la planète. Voilà, donc on est dans une situation qui, si cette analyse est juste, et il me semble que de plus en plus de gens admettent ces arguments, pas encore en haut lieu, alors les solutions, elles s'imposent d'elles-mêmes. Hein, j'en parlerai tout à l'heure. Ou peut-être je peux en parler tout de suite, c'est un peu comme vous le voulez. Alors voilà, la première chose à faire, si on admet ces causes, c'est à très court terme, c'est-à-dire dès 2012, ça peut se faire dans les semaines et les mois qui viennent, obliger la Banque Centrale Européenne, puisque nous en avons une, à prêter directement aux États en difficulté, et annuler la partie illégitime de la dette de ces États sur la base d'audits citoyens. Très concret, cela couperait les ailes au marché et à leurs agences. Ils n'auraient plus rien à dire. Ils n'auraient plus aucune capacité de nuire. Tout repose, au fond, leur pouvoir de nuisance repose sur le fait que les États doivent passer par les marchés et que eux sont les maîtres du jeu. Alors, maintenant on peut se dire, mais supposons qu'en Europe, on mette du temps avant d'obtenir que la BCE prête directement aux États. Alors, c'est probable, c'est pas certain. Voilà, ça va dépendre, enfin l'histoire peut nous surprendre, en bien ou en mal. Parce qu'après tout, qui aurait prévu, il y a un an, que l'Union européenne mettrait en place un fonds FESF, Fonds européen de stabilité financière, qui déroge pratiquement au traité de Lisbonne tout en ne dérogeant pas trop. Alors ce fonds, le fonctionnement de ce fonds, avec des montants quand même tout à fait énormes, ça se chiffre en centaines de milliards d'euros, d'abord 300, 400, on pourrait aller jusqu'à 1000 milliards d'euros. Ce fonds ne nous satisfait pas entièrement parce que la BCE, dans ce cas-là, ne prête pas directement aux États. Elle utilise ce fonds pour prêter aux banques qui ensuite prêtent aux États. Et là encore, enfin, les banques, évidemment, se sucrent au passage. Et les États payent des taux d'intérêt bien supérieurs à ce qu'ils auraient au cas où la BCE leur prête directement, surtout si les peuples exigent que, par exemple, dans le cas de la Grèce, dans l'urgence, vu la situation, vu que cette situation n'est pas la situation des Grecs, mais est la nôtre aussi, nous sommes solidaires, nous sommes liés, nos économies sont liées, il faudrait que la BCE prête à la Grèce à un taux nul. Voilà ce qui serait une mesure efficace, économiquement, financièrement et solidairement. Donc cette solution, cela veut dire quand même que, en situation de grande difficulté, même nos néolibéraux sont capables d'inventer des façons de contourner le traité de Lisbonne, qui interdisait à la BCE d'aider directement les États, mais pour l'instant ce n'est que du contournement. Il faudrait, oui, une décision qui soit prise par l'Union européenne. Il suffirait d'un seul article du traité de Lisbonne, il suffirait de le modifier. Pour l'instant on ne demande pas la refonte de la totalité, pour résoudre immédiatement, en quelques jours, la crise financière en Europe, la crise de l'euro aujourd'hui. Et s'ils ne le font pas, c'est que, pour l'instant, un certain nombre de puissances y opposent, en particulier du côté de l'Allemagne, qui reste hantée par le spectre de l'inflation qu'elle a connue historiquement. Mais voilà, même en Allemagne, ils commencent aussi à se rendre compte qu'à force de vouloir refuser une mesure au nom de la lutte contre l'inflation, ils vont peut-être se retrouver dans une situation qui, en Europe, finira par les obliger, d'une certaine façon, à payer la crise. Parce que, en définitive, si ça ne se fait pas, ou tout éclate et tout le monde paiera, ou ceux qui pourront payer seront les seuls pays qui ne sont pas trop endettés, l'Allemagne est en tête. Deuxième chose, car on n'est pas seulement dans une crise financière, je l'ai dit, il nous faut réduire très fortement les inégalités, il faut en finir avec ce système qui voit les riches payer moins d'impôts par rapport à leurs revenus que des gens moins riches qu'eux. La fiscalité est devenue dégressive en France, tous impôts confondus, ça on ne le sait pas nécessairement. Il faut une réforme fiscale qui réduise fortement les écarts de revenus et de patrimoine par le bas et par le haut. Les propositions sont diverses, elles vont jusqu'à l'idée, qui prendra sans doute un peu de temps pour s'imposer, mais je crois qu'on y viendra, d'un revenu maximum dans un pays comme le nôtre, dans d'autres pays aussi, d'un revenu minimum beaucoup plus élevé que ceux qui existent aujourd'hui. Enfin, il nous faut une réforme fiscale. À ceux qui disent que c'est parfaitement utopique, que les riches n'accepteront jamais, que ceci, que cela, moi je réponds que l'histoire montre que ça a déjà existé en situation de crise profonde, tant aux États-Unis qu'en France et dans la plupart des pays européens. Au moment de la guerre, après la guerre, des décisions ont été prises avec une progressivité considérable de l'impôt. Aux États-Unis, la tranche supérieure était imposée à 90% et même un peu plus. C'est Roosevelt qui l'avait décidé. Donc en situation de crise très grave, si les mouvements y sont favorables, les mouvements sociaux y sont favorables, si un certain nombre d'élus s'y mettent, si le leadership est à la hauteur, de telles décisions peuvent être prises. On en a absolument besoin pour revenir à une dette raisonnable. Parce qu'on ne reviendra pas à une dette raisonnable, même si on résout le problème de la BCE sans retrouver un niveau de recettes publiques permettant de satisfaire un certain nombre de besoins collectifs fondamentaux, mais aussi d'engager la grande transition écologique dont on a impérativement besoin. Aujourd'hui, la crise est utilisée comme argument pour nous dire, bah oui, l'écologie c'est bien, c'est important, mais voilà, on peut pas. Le réchauffement climatique, ça devient préoccupant. C'est très préoccupant, mais vous voyez, il y a la crise. Faut attendre que la crise soit finie pour prendre des mesures. Eh bien, si on fait ça, on est à peu près certain que le réchauffement climatique va prendre des proportions hors de contrôle, que les problèmes écologiques vont s'amplifier. Il nous faut des recettes publiques permettant à un niveau de plusieurs dizaines de milliards d'euros par an, 50, 60, 70, je dirais après pourquoi il est possible de les trouver, permettant d'engager tout de suite, et pas dans 3 ans, dans 5 ans, la transition vers une économie douce avec la nature et avec les humains. Ce sont des projets de long terme qu'il faut prendre tout de suite, après il sera trop tard. Comment on peut y parvenir? Peut-on en France aujourd'hui, où la croissance est proche de zéro, peut-on trouver, comme moi je le pense, 80 à 100 milliards d'euros par an de recettes additionnelles pour des dépenses publiques d'utilité écologique et sociale, pour réduire ce qui resterait d'excessif dans la dette, pour réduire les inégalités, la pauvreté en particulier? Eh bien, j'ai pas besoin d'inventer des chiffres, on les trouve dans des rapports de députés UMP, Gilles Carré par exemple, chiffrant le montant des niches fiscales qui se sont accumulées depuis 2000 à une perte annuelle pour l'État de 100 à 120 milliards d'euros par an, 5 à 6% du produit intérieur brut. On les trouve chez nos amis d'alternatives économiques, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et tous les constats convergent. Une politique qui sera à la hauteur des exigences, on en est loin. Et même avec les programmes qui nous sont aujourd'hui proposés par le Parti Socialiste et son candidat. Mais une politique qui sera à l'auteur des événements accepterait d'augmenter très nettement, non pas les impôts, comme on le dit. Je veux dire par là, voilà, je m'explique. Aujourd'hui, je comprends que vous soyez sceptique. Aujourd'hui, quand on nous dit, ah là là, il faut pas augmenter les impôts, les hausses d'impôts, les gens n'aiment pas les hausses d'impôts. Moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas augmenter les impôts, et je précise, sur 90% des gens. Mais si on s'en prend aux dividendes, aux profits excessifs, aux 10% les plus riches, et beaucoup plus encore aux 2 ou 1% les plus riches, si on s'en prend aux niches pour riches, pas à toutes les niches, hein, parce qu'il y a des niches qui sont très bien. Il faut défendre certaines niches. Je sais pas, moi, au hasard, les réductions d'impôts pour les dons aux associations, ils voudraient bien les supprimer aujourd'hui, on va les défendre. Hein. Certaines réductions d'impôts pour de vrais motifs écologiques, il faut les défendre. En revanche, il y a plus de la moitié des niches qui ont été créées depuis 10 ans, et il y en avait avant, qui sont des niches pour riches, des cadeaux, hein, et qui expliquent d'ailleurs que les très riches paient proportionnellement moins d'impôts que les autres. Voilà, donc, on peut trouver ces sommes. On peut trouver, si on est convaincu que on est à un tournant historique, qu'on est à un tournant vers une autre forme de civilisation, que cette crise est une crise d'une certaine façon de fin de système, de fin de vie d'un système, mais qui ouvre, qui peut ouvrir des perspectives. Et puis, j'en ai presque terminé avec les solutions. J'évoque pas les solutions techniques, parce que d'une certaine façon, elles avancent. Quand on disait, il y a 2 ans, faudrait peut-être séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires, on dit, aujourd'hui, c'est sur l'agenda politique à l'échelle internationale. Quand on disait, il y a 10 ans, il faudrait une taxation des transactions financières, on nous disait, impossible, utopique, c'est aujourd'hui sur l'agenda, ce qui ne veut pas dire que ce soit fait, et cela dit, de mon point de vue et du point de vue d'attaque, ça arrive tard. Parce que c'est il y a 5 ans qu'il aurait fallu le faire. Aujourd'hui, c'est largement insuffisant, mais il faut le faire. Y compris parce que ça peut dégager 200, 300, 400 milliards de dollars à l'échelle du monde, et ceux-là, ils seront utiles pour les grandes questions sociales, de la pauvreté, de la faim, etc., et pour la transition écologique. Quand on disait, il faut interdire les produits financiers à risque, vous savez, ces CDS, Peu importe la signification anglaise, credit, default, swap. C'est CDS qui, pour prendre une image qui maintenant commence à être connue, consiste à s'assurer contre le défaut de paiement d'un autre. Mais consiste à s'assurer, si je prends le cas de l'assurance assurance incendie de ma propre habitation, si je subis une perte, je suis remboursé, je m'assure. C'est très bien. Mais là, dans le cas des CDS, on s'assure contre le risque d'incendie de la maison de ses voisins, et si on est très riche, de tout le quartier. Et on gagne le pactole si l'incendie se produit chez le voisin ou dans le quartier. On gagne de l'argent s'il y a la Grèce, l'État grec, est en défaut de paiement. Voilà. Ces CDS, dont on nous disait il y a 2 ou 3 ans, dès 2008, nous avons dit avec beaucoup d'autres, il faut interdire ce type de produit. C'est à l'origine d'une bonne partie de la crise financière qui avait démarré à l'époque. On disait oui, mais en même temps, c'est difficile, ils ont une telle importance dans le monde, ils circulent, etc. J'ai appris aujourd'hui, Agence Reuters, j'ai ramené le communiqué ici, que l'Union européenne avait décidé d'interdire les CDS, en tout cas les CDS, les titres publics, sur les obligations de l'État grec, par exemple, ou d'autres, on ne pourra plus faire fonctionner des CDS sur les obligations d'un État que si on détient soi-même des obligations de cet État, c'est-à-dire on ne pourra pas s'assurer contre l'incendie de la maison de son voisin, mais seulement contre l'incendie de sa propre maison, contre la perte de valeur de ses titres. Il nous faut, enfin, alors là peut-être ça prendra un peu plus de temps, en finir avec le système des banques privées contrôlées par des actionnaires. Il y a une contradiction dans les termes entre le fait que le crédit et la création monétaire sont des biens publics essentiels au fonctionnement de l'économie, dont qu'il faut gérer à long terme, avec un souci de stabilité. Contradiction entre tout ça et le fait que ceux qui aujourd'hui gèrent le crédit et émettent la monnaie sont des banques détenues par des actionnaires qui visent leur rentabilité à court terme. On ne peut plus fonctionner convenablement avec des banques détenues par des actionnaires. Alors ça, c'est un vaste programme, ça s'appelle dans certains cas la nationalisation démocratique, ça s'appelle dans d'autres cas la socialisation, c'est-à-dire la création de banques coopératives, mutualistes, qui ne soient pas gérées selon la loi de la valeur pour l'actionnaire. On en a strictement besoin, la monnaie et le crédit sont des biens publics absolument essentiels qu'il faut se réapproprier en tant que citoyen. Mais ça n'est pas pour recréer des monopoles ou des bureaucraties bancaires comme il a pu en exister dans le passé en France. On connaît le triste exemple du Crédit Lyonnais. Et puis le dernier point que j'indiquerai, pour terminer par les solutions qui sont urgentes, c'est en finir avec les paradis fiscaux. On estime que rien que pour l'Union européenne, les actifs, les sommes qui sont cachées dans ces paradis fiscaux et qui échappent à toute fiscalité, sont comprises entre 1500, 2000, 2500 milliards d'euros. Voilà, ça fait un manque à gagner énorme pour l'ensemble de la zone euro. Pour la France, ça peut représenter un manque à gagner de par an, si ces sommes étaient imposées normalement, de 30, 40 milliards d'euros, venant s'ajouter à tous les manques à gagner que j'ai indiqués tout à l'heure. Mais il faut bien remarquer que la façon d'en finir avec ces paradis fiscaux, la meilleure façon sans doute est de reprendre le contrôle des banques, parce que une bonne partie de l'activité des paradis fiscaux dépend de filiales que les banques ou de bureaux ou d'officines que les banques françaises, la plupart des banques françaises, pas toutes, y ont établi. Voilà, donc la réappropriation démocratique du fonctionnement des banques serait un coup fatal porté à l'existence de ces paradis fiscaux, qu'on devrait mieux qualifier d'ailleurs d'enfer fiscaux. Jean, Pourquoi peut-on parler d'illégitimité d'une partie des dépenses publiques pendant que l'on en sacrifie d'autres bien plus importantes socialement? Alors c'est une question difficile parce que j'ai commencé en disant que l'explication principale de l'excès de dette n'était pas l'excès de dépenses publiques, mais bel et bien l'insuffisance délibérée des recettes. Mais en même temps, il me semble qu'on est à un stade où on peut plus se contenter de ces catégories globales, dépenses, recettes, sans préciser ce qu'on met dedans en termes de qualité, en termes de contenu, en termes de projet. Moi, je considère en effet qu'une partie des dépenses publiques aujourd'hui sont illégitimes en ce sens qu'elles sont inutiles, voire nuisibles. Entre dépenses de prestige un peu partout, dépenses militaires dont je ne dis pas qu'il faut les supprimer dans leur totalité, mais dont une bonne partie correspond à une volonté, disons, impérialiste, certains grands équipements, infrastructures, grands stades, grands ports, grands aéroports surdimensionnés, pôle d'excellence, enfin, voilà, tous ces grands machins de la méga-machine du toujours plus, poussés par qui? Par des lobbies financiers, par des actionnaires, par des grandes entreprises, du bâtiment ou d'autres, par FH, par Bouygues. Il faut que les audits citoyens qui réfléchissent à l'illégitimité d'une partie de la dette publique réfléchissent aussi simultanément au fait qu'une partie des dépenses publiques ont été ou sont encore aujourd'hui, le PR à Flamanville, etc., des dépenses inutiles ou nuisibles, mais qu'en même temps, ils disent, avec ces sommes qui ont été dépensées dans de mauvaises directions pour de mauvais projets selon nos critères, on aurait pu commencer à faire beaucoup mieux dans des domaines que l'on a sacrifiés pour faire ces dépenses, qui sont des domaines de l'éducation, de la santé, de la protection sociale, des personnes âgées, de la petite enfance, la liste est longue. Des domaines qui ont été sacrifiés parce qu'on a mal orienté la dépense publique pendant qu'on la réduisait. Donc on pourrait régler la crise de la dette sans croissance et sortir de la croissance sans dette. Oui, alors c'est une formule que j'ai utilisée, mais il faut, c'est comme toute formule, il faut l'expliciter. Premier point, mais je ne vais pas dire que si la France entre en récession en 2012 et en 2013, ça va arranger les choses. Certainement pas. Ce que je veux dire, c'est que pour sortir de cette crise des dettes publiques, il faut arraisonner la finance, selon toutes les mesures dont il a été question, et prendre les recettes, les ressources, là où elles se trouvent, c'est-à-dire réduire fortement les inégalités. Et que, pour prendre ces mesures-là qui nous feraient sortir de la crise de la dette, on n'a pas besoin du culte de la croissance. On n'a pas besoin de la croissance à perte de vue. Voilà. Et puis, de l'autre côté, on peut sortir de la croissance sans dette. Ça veut dire que là, on réfléchit à plus long terme. On se dit qu'on n'est pas condamné à vivre dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans qui viennent, dans un monde obsédé par la recherche de la croissance, qui d'ailleurs va finir par se réduire un peu partout. Elle va d'elle-même tendre vers zéro, à mon avis, compte tenu du fait qu'elle repose sur une surexploitation de ressources naturelles et que cette surexploitation a une fin, ces ressources sont finies. Donc, il faut sortir de la société de croissance. Et quand on y réfléchit, on se dit, est-ce qu'une société qui viserait d'abord, qui serait débarrassé du consumérisme, du productivisme, de la vie à crédit, de la croissance à crédit, de l'État vivant lui-même à crédit. Est-ce qu'une telle société qui viserait le bien vivre dans des conditions beaucoup plus égalitaires qu'aujourd'hui, dans le respect des écosystèmes, est-ce qu'elle aurait encore besoin en permanence de s'endetter? Est-ce que les ménages auraient besoin de s'endetter? Est-ce que les entreprises auraient besoin de s'endetter un peu pour investir? Et surtout, est-ce que les États auraient besoin de s'endetter? Personnellement, je pense que ceux qui disent qu'un État a toujours besoin d'être endetté, qu'une collectivité locale a toujours besoin d'être endettée, sont des gens qui adhèrent, qu'ils s'en rendent compte ou non, au culte de la croissance éternelle. À cette idée qui nous vient du siècle précédent, des Trente Glorieuses. Et il me semble que là encore, il nous faut réfléchir en termes de qualité de vie, en termes de qualité de notre trajectoire, en termes d'une autre voie de civilisation. La notion de dette et de crédit perdrait beaucoup de leur importance dans ce type de nouveau modèle. Vous avez dit que l'État ne peut plus s'endetter auprès de la Banque centrale. Est-ce que c'est vrai pour tous les États ? Eh ben non, justement, maintenant qu'on nous vivons depuis 1973 en France dans cette situation, l'Europe a été fondée sur ce postulat, mais en réalité, de grands pays du monde ne sont pas soumis à cette contrainte, et en particulier les États-Unis, où la Banque centrale américaine, encore récemment d'ailleurs, a injecté des centaines de milliards de dollars dans l'économie à la demande de l'État, parce que l'État américain n'est pas soumis à cette contrainte, la Grande-Bretagne non plus, qui n'est pas dans la zone euro, n'est pas soumis à cette contrainte, le Japon non plus. Donc voilà, de grands pays du monde, du coup, leurs dettes, qui peuvent dans certains cas être énormes, ne peut pas être attaqué par les marchés financiers. Le Japon a aujourd'hui une dette infiniment plus importante que celle de la Grèce, en proportion de son produit intérieur brut. Je ne sais pas quels sont les derniers chiffres, mais je crois que c'est entre 200 et 220% du produit intérieur brut. Eh bien, elle est excessive, cette dette, pour des raisons qui tiennent aussi au fait que l'État japonais s'est privé de recettes, a privilégié les riches, que les inégalités ont augmenté, on retrouve les mêmes choses. Mais les titres de la dette grecque ne sont pas attaqués sur les marchés financiers, et l'une des raisons est que les Japonais détiennent 95% des titres de la dette japonaise, les résidents japonais, se sont contentent de taux d'intérêt relativement faibles et considèrent que cette situation est infiniment préférable, eux qui ont connu de très graves crises financières au cours des années 90. Eh bien, merci Jean Gadret pour ce brillant exposé et merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, René, tu vas nous faire un petit retour sur l'Alter G20 de Nice. Oui, d'accord. Donc, au G20 officiel de Cannes du 3 et 4 novembre, correspondait l'Alter G20 de Nice qui s'est déroulé du 1er au 4 novembre. On l'appelait aussi Forum des Peuples, et le slogan était « Les peuples d'abord, pas la finance ». Donc, le mardi 1er novembre a été marqué par une manifestation unitaire internationale, donc environ 10 000 participants, regroupant ONG, syndicats, partis politiques, et un mouvement dont on parle depuis quelque temps, le mouvement des indignés. Du 2 au 4 novembre, il y a eu de nombreux ateliers, séminaires, réunions et conférences-débats en différents lieux de la ville. J'ai ici une interview réalisée durant la manifestation du 1er novembre de deux responsables d'Oxfam Montpellier, réalisée par Germain qui est ici avec nous. Sur Montpellier, avec quelles autres associations avez-vous des partenariats ? Mais n'étant que trois dans l'immédiat, on a été un peu plus que ça il fut un temps, mais on s'est associé effectivement donc avec Secours Catholique et avec le CCFD, notamment le 8 octobre, on a fait Stop au Paradis Fiscaux. Première action ensemble ? Oui, et ça s'est très bien passé. On a fait environ 100 signatures et bon, une flash mob bien sûr, même si malheureusement tout le monde ne s'arrête pas. Et c'était très sympa, donc on est prêt à recommencer. Le flash mob qui mettait en scène les dirigeants européens, peut-être ? C'était le groupe des financiers d'un côté et le groupe donc des solidaires contre donc la finance, etc. C'était mis en scène de quelle manière ? Bien habillés, avec leur costume noir, leur cravate, et face à eux, il y avait les personnes qui avaient les t-shirts avec marqué dessus. Stop au Paradis Fiscaux, simplement. Et donc, c'était la rencontre de ces deux groupes, ou l'affrontement, je sais pas, on peut dire l'un ou l'autre. Et à la fin, les financiers enlevaient leur veste. Donc c'est de bon augure, on va faire la même chose pour aujourd'hui. Ah oui, oui. À quel moment de la manifestation? Ah, aujourd'hui, c'est même un peu plus que ça qu'on va enlever, mais bon, c'est d'ici une bonne heure à peu près. D'accord, merci. Ouais, belle ambiance, dis donc, vous avez fait hein, du beau travail, les mecs, là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf à part ça? Raconte-nous un peu le reste. Oui. Tout d'abord, je voudrais juste préciser ce qu'est Oxfam pour les auditeurs. Donc, c'est une ONG qui lutte contre la faim et pour le développement des pays du Sud, et avec laquelle ATTAC mène de nombreuses actions communes, notamment la taxe sur les transactions financières, c'est-à-dire la taxe Robin des Bois. Donc une collaboration étroite au plan national et également ici au niveau local dans la métropole où nous participons donc avec Oxfam Lille à des animations de soirées débats, etc. Le 2 novembre maintenant. Concernant plus particulièrement ATTAC, le 2 novembre a eu lieu la première représentation de la scène de théâtre Le Tribunal des Banques, qui est réalisé en partenariat avec la compagnie Nage, Nous n'abandonnerons jamais l'espoir, et qui devrait bientôt être disponible en DVD. Et je dois dire que plusieurs militants d'ATTAC, dont le coprésident, jouent dans cette pièce. Ah oui, Thomas Coutreau était banquier, je crois. Oui. Ensuite, toujours ce mercredi, en fin d'après-midi, l'opération Bankbuster, c'est-à-dire la désinfection des banques. Donc c'était une manifestation de type flash mob qui a été réalisée boulevard Saint-Roch sur quatre agences bancaires. On peut la trouver en vidéo sur le site d'ATTAC France. Et le jeudi 3 novembre, manifestation contre les paradis fiscaux au Cap d'Ail à la frontière monégasque. Alors c'était une manifestation festive qui rassemblait environ 200 participants ou un peu plus et agrémentée d'animations, de sketchs assez drôles. Et à noter aussi la présence d'Eva Joly qui était venue en personne remettre le questionnaire d'ATTAC aux partis politiques à Aurélie Trouvé, qui est la coprésidente d'ATTAC France. Comme chacun sait, et qui était candidate au FMI en même temps que Madame Lagarde. Voilà. Alors, quelle conclusion tu vas nous tirer, René, de ce G20 à Cannes? Eh bien, si certaines ONG ont vu des avancées positives dans les décisions prises au G20 de Cannes, donc l'officiel, à ATTAC, on a surtout retenu une impuissance, une démission des politiques face aux puissances d'argent. Il y a d'ailleurs un communiqué daté du 4 novembre 2011, donc on peut trouver sur le site d'ATTAC France, G20 de Cannes, le sommet de la démission. Eh ben d'accord, voilà, c'est tout un programme. Et alors, quelle conclusion tirer de ce fameux G20? Eh bien, si certaines ONG ont vu des avancées positives dans les décisions prises au G20 de Cannes, donc l'officiel, à ATTAC, on a surtout retenu une impuissance, une démission des politiques face aux puissances d'argent. Ça figure dans le communiqué du 4 novembre 2011, intitulé « G20 de Cannes, le sommet de la démission », qu'on peut trouver sur le site d'ATTAC France. Donc on entendait G20 sur autre chose quand même. Oui. Donc sur une... À propos de la taxe globale sur les transactions financières, la liberté est laissée aux États de la mettre en place ou non. Donc on est loin d'une taxe globale. Sur la régulation du système monétaire mondial, les taux de change seront davantage déterminés par les marchés. La suppression des paradis fiscaux. Alors certaines juridictions réapparaissent sur les listes territoires non coopératifs. D'autres disparaissent, c'est le règne de l'arbitraire. L'encadrement des opérations spéculatives à haut risque, type hedge funds, la liberté est laissée aux États. La lutte contre la spéculation sur les produits agricoles, là une simple invitation aux régulateurs à limiter, si nécessaire, les positions spéculatives sur le marché des dérivés. Autrement dit, La spéculation sur les produits agricoles a encore de beaux jours devant elle. Et aucune décision concernant l'architecture et la taille des banques et les rémunérations dans le secteur financier, notamment par exemple les traders. D'accord, eh bien, je crois qu'on a fait un grand tour de ce qui ne va pas changer, en fait. On va passer à la deuxième partie de l'émission, non sans avoir écouté un petit peu de musique. Nous sommes sur 106.6, vous êtes à Radio Campus et vous écoutez Ligne d'attaque. SOS Gaillard, accoutré comme des billes avec les yeux rougis. J'peux long et surpris l'armée en belle année jouant du tatam. On se serait cru 30 ans pensé pendant la guerre du Vietnam. Y'avait tous les clichés de l'époque, des grains dans l'eau, des chemises en macramé, des poilus en dessous des bancs. Dans grande majorité, tu sais, j'aime du vieux Montréal. Tout ça pour manifester contre les multinationales. Et la mise sous le prolétaire, en se projet du prétend. Et aux étudiants qui boxent et s'ajoutent des quelques passants. Des marxistes, léninistes, des militants pour le pot. Et une couple d'écologistes ont investi le spot. On écoutait du cinglé qui se prenait pour Castro avec son képi d'officier et son couteau de Rambo. Et on a vite constaté qu'il manquait un bâton quand ils nous ont proposé de faire un concours de limbo. À la manifestation, au réveil révolution, ce genre du système. On se comptait des beaux slogans contre les OGM. Dans soudain ils sont débarqués des types un peu extrémistes, sous des petits jocs cagoulés, se proclamant activistes, comme des petites chérivas et un petit chien de trois pétards. Les bœufs sont rentrés dans le temps, je te jure qu'ils ont tombé encore. Les beatniks sont déshabillés pour faire un danse au tronc. Les policiers en beaux fusils ont sorti menottes et matraques et ont approché les hippies à grands coups de jardin. Pendant que les écologistes se pleuraient devant tant de civils, on implorant Jésus le Christ de stopper les résistances. On entendait les chiens jappés à travers le bruit des sirènes, étouffés par la fumée des gaz lacrymogènes. Au même moment, la gang de pisse qui dansait à poil sous la pluie, faisant comme un remake de Grease en version Hillbilly. Et quand les sièges et les chaînes s'est mis à tomber des clous, sont mis leurs jambes à leur cou. Et ce fut terminé, pas qu'on est rentré d'ici, tout mouillé et abattu en croisant les écolos dans le portique d'un McDo. J'en suis venu à conclusion, ça va prendre bien du soleil. Si on s'est pas mal levé, qu'on va faire la révolution. Ça fait toujours bien sans gagner. Oui, eh bien, vous êtes sur Radio Campus 106.6 et vous écoutez Angle d'attaque. Ce sont les conseils de lecture. René, tu nous as lu Marianne. Oui, c'est exact. Alors, cette semaine, dans l'hebdomadaire Marianne, donc du 12 au 18 novembre, qui est un numéro spécial d'ailleurs, donc à 3,05€, un peu plus cher que d'habitude, un dossier intitulé « Un autre capitalisme, c'est possible ». Avec à l'intérieur des propositions de Frédéric Lordon, donc économiste, et de Suzanne Georges, qui, comme chacun sait, est présidente d'honneur d'attaque. Vous pouvez bien sûr trouver Marianne dans tous les kiosques. Merci René. Pour ma part, j'ai un livre et un livre de dessin que l'on doit à Mohamed Al-Assad, que je ne connais pas du tout d'ailleurs, et j'ai certainement tort, qui a eu la bonne idée en tout cas de rassembler dans un ouvrage des dessins de Naji Al-Ali. Alors, Najil Al-Ali n'est pas vraiment connu de ce côté de la planète. C'est Politis qui l'a fait connaître dans son numéro du 20 octobre. Mais Naji est bien connu dans ses terres au Proche-Orient. Naji Al-Ali est un Palestinien exilé de 1948, donc la Nakba, réfugié au Liban puis au Koweït, où il collabore dans une revue d'opposition qui s'appelle Al-Taïla, c'est-à-dire l'avant-garde. Il quitte le Liban pour l'Angleterre, où il est assassiné le 22 octobre 1987, alors qu'il se rend au journal qu'il emploie, et on ne saura jamais qui sont ces assassins. On suppose quand même le Mossad, enfin, en tout cas c'est ce que pensait Arafat. Alors, c'est un ouvrage de dessin, mais pas seulement, j'y reviendrai. Et Naji Al-Ali a créé pour Al-Taïla, donc le journal en question, un petit personnage massif, sans cheveux. On pense à un enfant. Son vêtement est rapiécé. Il a les mains croisées dans le dos. La plupart du temps, il est immobile. Et surtout, on le voit tout le temps, encore une fois, de dos. Et c'est ça qui est frappant. Une fois seulement, on le voit de face. Et que fait-il? Il regarde le monde. Et que voit-il? L'oppression de son peuple et l'oppression du monde arabe. Il est le témoin permanent de scènes de violence. Et il imagine l'espoir aussi. Denis Seifert, qui est directeur de Politis, dit de Handala qu'il est à la fois le désespoir est la force inébranlable d'un peuple indestructible. C'est l'innocence inquiète et la conscience d'un monde sans conscience. Alors, quand même, pour illustrer, à la radio, c'est pas forcément facile, il y a quelques dessins que j'ai aimés particulièrement. La couverture du livre, d'abord. Andala, donc le petit bonhomme, ça signifie amer comme la coloquinte, hein, regarde sur un fond noir un fil de fer barbelé dont les fils qui le composent se détachent pour former une fleur, un épi de blé et un cœur. Une série de trois dessins, c'est pas mal non plus, à lire de droite à gauche bien sûr, où des mains sortent d'un brasier, appellent au secours. Le deuxième dessin, une pluie salutaire qui pourrait éteindre le brasier. Et le troisième dessin, un bras tend un parapluie pour effectivement contrer la pluie sur sa manche US. Un ring de boxe, pas mal non plus, où seul dans un coin est assis un Israélien tandis que tout autour du ring se battent des Arabes. Pour une fois en mouvement, Andala monte sur la hampe d'un drapeau, tout en haut du drapeau israélien. Dans sa main, il a le drapeau du Liban qui va remplacer le drapeau israélien. C'est daté évidemment, ces dessins, du 28 juillet 1982. Une femme arabe superbe arrache son vêtement couvert d'étoiles de David pour dévoiler un vêtement palestinien richement brodé, comme chacun sait. Son foulard est écrit en arabe « Intifada ». Enfin, un destin que j'aime bien aussi, un Christ en croix, de dos, qui lance une pierre que lui apporte Andala. Encore deux mots sur ce livre, hein, j'insiste, pour montrer un ouvrage complet et il aide à comprendre le drame de la Palestine. Les chapitres qui rythment l'histoire de la Palestine jusqu'à la mort de Naji, une préface de Plantu qui explique pourquoi en Europe nous ne pouvons pas ignorer Naji et son personnage Andala, une remarquable postface d'Alain Grèche du Monde Diplo, quand Naji rêvait du réveil arabe, une chronologie de l'histoire de la Palestine, ça c'est toujours utile. Et puis en quatrième de couverture, les hommages de Denis Seifert, de notre bel indigné Stéphane Hessel et celui de notre révolté permanent préféré, Ciné. Une photo, enfin, de Naji en quatrième de couverture, dont la douceur du regard nous fait mesurer la haine de ses assassins. Naji disait de Handala, il a été d'abord un enfant de la Palestine pour devenir un enfant arabe et enfin un enfant de l'humanité. Après avoir lu le livre, on en est convaincu. Voilà, donc, on entame la quatrième partie avec Antoine. Antoine, qu'est-ce qui fait qu'on ne doit pas regarder TF1 pendant les 4 semaines qui viennent ? Ah, c'est certain qu'il y a beaucoup plus intéressant pour les 4 semaines qui viennent. Un agenda riche durant ce mois de novembre avec le programme de Cité Philo commencé le 8 novembre dernier et se finissant le 29 novembre prochain que l'on peut retrouver sur citéphilo.org. Parmi toutes les conférences, j'en ai retenu 3. D'abord, la pédagogie freinée, d'autres arts de faire éducatif, leur effet et leur évaluation, qui se déroulera le 22 novembre de 17h à 19h au grand auditorium du Palais des Beaux-Arts, accessible par le 18 bis rue Valmy à Lille. Puis, connaître la société, penser la sociologie, le 24 novembre en journée de 16h à 18h au lycée Gaston Berger, avenue Gaston Berger à Lille Sud. Enfin, Guadeloupe, Martinique, 2 ans après les événements de 2009, quelle question ? Le 26 novembre de 18h30 à 21h30, au grand auditorium du Palais des Beaux-Arts, toujours accessible au 18 bis rue Valmy à Lille. Ce sont également des manifestations à l'espace culture de l'Université de Lille 1, à la cité scientifique de Villeneuve-d'Ascq, comme celle au sujet du travail social, les 22 et 29 novembre, toutes les deux à 18h30. En plus de ces deux rendez-vous d'Archimède, s'engager pour la solidarité dès l'école et la question de sens posée dans ce même lieu le 15 décembre à 18h30. Par ailleurs, 6 rendez-vous militants vont se dérouler en lien avec la résistance face à la finance. À savoir, premièrement, Inside Job, film dénonçant la corruption de la politique, des autorités de régulation et du monde universitaire, suivi d'extraits de la double face de la monnaie, relatif aux monnaies complémentaires et au système d'échange locaux, ouvrant à une discussion autour d'une monnaie au service de l'économie réelle. Tout ça, ça va se passer le 19 novembre, à partir de 19h, à la gare Saint-Sauveur, boulevard Jean-Baptiste Lebas, à Lille. Deuxième rendez-vous, Vie et mort du capitalisme, conférence en après-midi de 15h à 17h, le 25 novembre à la FNAC, donnant sur la Grand Place de Lille. Le même jour, en soirée de 19h à 23h, les sociétés du divertissement et les supermarchés du loisir seront les sujets traités par le Cabaret de l'Union au théâtre Pierre de Roubaix, situé au 78 boulevard Belfort à Roubaix. Quatrième rendez-vous, l'agriculture régionale dans son contexte européen et mondial, sous forme de formation-information proposée par le comité d'attaque de Villeneuve-d'Ascq et la Confédération paysanne, le 30 novembre de 19h à 21h, au local FSU, situé au 38 boulevard Van Gogh, à Villeneuve-d'Ascq, ça se trouve proche de la Rose des Vents. Et puis, cinquième rendez-vous, bien sûr, notre assemblée militante d'Attaque Lille, qui traitera de la décroissance à 19h30 le 5 décembre, à l'AMRES, 23 rue Gosselet, à Lille. Le lendemain, le 6 décembre, ça sera non pas à l'AMRES, mais à la Maison Folie de Moulins, rue d'Arras, à Lille, que Gustave Massia, du Conseil scientifique d'Attaque France et grand spécialiste de l'Afrique, abordera la stratégie altermondialiste à 19h. D'ailleurs, il a écrit un livre pour une stratégie altermondialiste. Par contre, à l'AMRES, il y aura la réunion mensuelle du comité lillois de l'appel des appels, donc ce même jour, le 6 décembre, de 20h à 22h. Voilà. Évidemment, vous pouvez retrouver tout ce calendrier militant sur le blog d'Attaque Lille, www.attaquelille.over-du-6blog.com. N'oublions pas enfin que notre prochaine émission d'Attaque Lille le 15 décembre de 19h à 20h évoquera la souffrance au travail, une des conséquences de la mainmise de la finance sur nos vies quotidiennes et particulièrement professionnelles. Merci, c'est super renseigné. Merci Antoine. Vous écoutiez Angle d'Attaque. Eh bien, bonne soirée à tous et à bientôt.